Annie Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, hier, dans la section entrevue de dernièresdesport.com, on a parlé avec Cassandra Bradette de Saint-Félicien. On sait que Cassandra s'est taillée une place pour les Jeux olympiques de Pyeongchang qui seront présentés en février prochain. Et Cassandra Bradette a avoué quand même qu'à un certain moment donné, elle a pensé même abandonner le patinage. Je me rappelle, quand je suis arrivée à Montréal, il y a une dizaine d'années, j'essaie de prendre le positif, j'étais pas souvent facile à aller chercher. Je continuais à me battre, j'allais m'entraîner, je m'acharnais à atteindre un objectif que je m'attendais pas à atteindre. Ouais. C'était un peu, je travaillais sans relâche, avec la tête baissée un petit peu, sans vraiment savoir qu'au bout du compte, ben, j'allais vraiment réussir. En bon québécois, avoir une tête de cochon, là. Mm. Mais ma tête de cochon, elle me servit à me rendre ce que je suis présentement parce que, il y a bien des fois que je me suis remise en question, je me suis posé la question si ça valait la peine, est-ce que je devrais arrêter, est-ce que je continue, qu'est-ce que ça me donne au bout du compte, tout ça, là. Ouais. Finalement, ben, je crois pas encore, c'est spécial quand je me dis que j'ai atteint mon. C'est le but ultime, là, c'est mon idéal que j'en viens juste pas, là, c'est spécial. Sandra Bradette n'est pas en mesure de nous dire à quel moment fut le déclic pour sa carrière. C'est un peu difficile à dire parce que, j'ai toujours eu une lueur d'espoir parce que je pense que j'aurais pas continué à pousser. Ouais. Je pense pas que, avec tout ce que j'ai vécu, toutes les blessures, les embûches, je pense pas que si j'avais pas eu une lueur d'espoir, j'aurais continué, mais en même temps, pendant longtemps, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, un peu penser que j'ai pas ma place ou ce que je suis présentement, de « Ah, je mérite pas ça parce qu'une telle était pas là » ou « Tu sais, c'est arrivé dans une course, puis moi, je pensais parce qu'il y a eu un parcours, plus difficile, fait que moi, j'en ai profité. » J'ai jamais vraiment été capable de m'accorder le mérite que j'aurais pu avoir. OK. Je pense que c'est vraiment c'est sûr que concrètement, dans les 4 dernières années, c'est là que j'ai vu que j'avais un potentiel, un peu plus concrètement. Mais je pense que le cheminement, je l'ai fait vraiment dans la dernière année où que je me suis rendu compte que c'était possible, puis qu'il fallait juste que j'aie confiance. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup mentalement avec ça. Cassandra Bradette est la conjointe de Samuel Girard qui brille sur la scène canadienne en patinage de vitesse sur courte piste. Et j'ai posé la question si le fait d'être la conjointe de Samuel l'aide beaucoup. Et semble-t-il que ça. Il ne parle pas beaucoup de patins lors des relations. Le rôle qu'il y a dans ma vie, c'est vraiment un équilibre. OK. C'est pas. Oui, on parle de patins, on se connaît à cause du patin, mais. Notre relation, c'est vraiment pas basé sur le patin. Okay. On est ensemble, on vit des expériences autres que ça. Puis je pense que ce qui a fait une différence aussi, entre autres, dans mon cheminement avec lui, c'est que j'ai un bon équilibre de vie. Okay. Et puis, de ce côté-là, je pense que c'est comme ça qu'il m'a aidé. C'est une personne tellement simple. C'est un gars de nature. Puis moi, je me rejoins là-dedans. De l'avoir rencontré, puis de passer beaucoup de temps avec lui, ben ça m'a permis d'arrêter de mettre un peu trop d'emphase sur le patin. À un moment donné, ça devenait maladie parce que j'essayais de faire tout ce qui était en mon compte. J'essayais de tout contrôler, puis à un moment donné, ça venait drainant. Puis avec Sam, ben c'était un peu dans le processus que j'essayais de travailler. Il m'a permis d'appliquer le laisser aller que je peux dire que j'ai bien réussi. OK. La Ligue senior du Saint-Lac-Saint-Jean va porter le nom de la Ligue du Lac au Fleuve, évidemment, parce qu'il y aura des équipes qui seront présentes sur la Côte-Nord, également dans Charlevoix. Et Bob Desjardins a expliqué en grande partie les raisons qui ont fait qu'on a donné ce nom. Régional de ce côté-là, qui touche un petit peu au lac et au fleuve. Alors, c'est toute une normalité de mettre ça ensemble. Regarde, écoute, je pense qu'hier, disons que on dit tout le temps tout nouveau, tout beau, mais je pense qu'à date, tout le monde s'entend très bien, puis il y a une bonne chimie à l'entour de la table. Les 4 équipes veulent travailler ensemble pour faire un succès de cette ligue-là. Alors, je pense que c'est bon pour nous autres. On est très heureux là, de faire. Moi, je suis très heureux de partir ça, puis avec ces gens-là, puis je pense que c'est des gens qui sont intéressants. Des gens qui sont dévoués et qui veulent vraiment que le projet marche. OK. Dis-moi, Bob Desjardins a mentionné qu'il fallait partir sur des bases solides et du côté d'Alma et Labbé, ben c'était pas assez solide pour les admettre dans la ligue. Avoir d'autres, tu sais, partir une ligue, là, quand tu pars une ligue là, sur Xbox là, ou sur PS4, là, c'est tout le temps. Tout le monde sont bien contents, tout le monde veut l'embarquer. Puis après un mois, la ligue ferme, la ligue à l'âge, peu importe. Alors moi, c'était pas le mandat que je voulais faire. Je voulais vraiment avoir des équipes. Je dis pas que l'abbé, puis moi, t'es pas sérieux. Sauf que ça tardait un petit peu à avoir un petit peu l'avancement de ce côté-là. Alors, tant qu'à partir, puis que dans deux mois, ils ont de la misère à avoir des joueurs ou on a des problèmes. Alors, je voulais pas que ça arrive. Parce que dans ce temps-là, ça donne une mauvaise presse ou une mauvaise opinion de notre ligue. Okay. Je vais avoir quatre bonnes équipes en santé. C'était le but premier de ça. Puis après ça, mais regarde, avec l'avenir, là, on... Maintenant, les Saguenay de Scoutimi ont nommé Olivier Galipeau comme nouveau capitaine de l'équipe. Il succède donc à Nicolas Roy. Il y avait un Ironman en fin de semaine au Mont-Tremblant. Deux athlètes de Chibougamau et une de Dolbeau-Mississippi est en action. D'abord, Ken Perron de Chibougamau a terminé au 70e rang chez les 40-44 ans avec un temps de 11h28 et 34 secondes. Michel Laplace de Chibougamau a pris le 84e rang avec un temps de 12h10 et 58 secondes. Sophie Chiasson chez les femmes chez les 45-49 ans a terminé en 69e place avec un temps de 14h47 et 26 secondes. Hier, on a appris le décès de Jean Ouellette. Jean Ouellette, pour les gens de Dolbeau-Mississippi, ça a été un grand bénévole pour le hockey mineur. Jean Ouellette a certainement fait du bénévolat pour l'organisme pendant au moins 40 ans. Au cours des dernières années, Jean Ouellette était disparu de la scène publique, mais les gens d'une certaine époque se rappellent certainement de Jean et de Thomas Ouellette. Donc à toute la famille Ouellette, nos plus sincères condoléances. Le service funèbre aura lieu vendredi à 15h30 au salon funéraire de Normandin. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Bob Desjardins. On a aussi parlé également avec Cassandra Bonnette et François-Olivier Roberge vient nous parler de la performance exceptionnelle de Cassandra Bonnette et de l'équipe canadienne. Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.